en musique vous sont présentés par votre directeur musical, Daniel Marley. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et worldly, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Bonsoir et bienvenue à Web Music. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, je vous ai trouvé plein de musique intéressante durant la semaine. Donc, de la musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Si ça vous intéresse, bien, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusic.org. Donc, vous avez les références. Pour les artistes qui passent à l'émission, vous pouvez télécharger. Puis il y a l'émission aussi qui est disponible en balado-diffusion. Si jamais vous manquez des bouts, vous pouvez la réécouter en tout temps. Cette semaine, on va débuter avec des artistes russes sur l'étiquette Heavy Mantle. Je vous fais passer, pour débuter, on va entendre Yellowhead. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album Mill Wine. La première s'appelle Ice Tea Department. Ça va être suivi par Olympic Sport Kid. Ensuite de ça, ça va être sur une compilation sur l'étiquette. La compilation s'appelle Fedor Konyukov Tribute. La première pièce s'appelle Grozny Part 1 et c'est par Marginal Boots. Ensuite de ça, on va entendre Dyad avec la pièce Fragile Man. Pour tout de suite, Yellowhead avec la pièce Ice Tea Department. We'll be right back.

Vous venez d'entendre des artistes russes sur l'étiquette Heavy Mantle. Vous venez tout juste d'entendre Dyad, la pièce Fragile Man. Avant ça, c'était Marginal Boots avec la pièce Grozny Part 1. Deux pièces qui se retrouvent sur l'album Fedor Konyukov Tribute. Puis avant ça, on avait entendu deux autres pièces. C'était précédé par Olympic Sport Kid et la pièce Ice Tea Department. Deux pièces donc qui se retrouvent sur l'album Male Wine par l'artiste russe Yellowhead. Donc je vous rappelle, c'est sur l'étiquette Heavy Mantle. Pour poursuivre l'émission Web Music, j'ai envie de vous faire passer deux pièces. C'est la trame sonore d'un jeu vidéo indépendant qui est vraiment intéressant. C'est produit par 2D Boy. Donc le jeu vidéo, il s'agit plutôt de Kyle Gabler, qui est le créateur. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant, qui est indépendant, qui a été fait, je pense, par deux ou trois personnes. Puis, c'est ça, vraiment une belle trame sonore pendant les différents niveaux du jeu. La musique est vraiment variée. Donc, je vous fais entendre deux pièces. On va débuter avec Cog in the Machine. Ça va être suivi par Regurgitation Pumping Station. Donc, ça se retrouve sur World of Goo. C'est la trame sonore de ce jeu-là. Donc, on débute tout de suite avec Kyle Gabler. Thank you. Vous venez d'entendre deux pièces qui sont sur la trame sonore du jeu vidéo indépendant World of Goo. Vous venez tout juste d'entendre. Donc, avant ça, c'était Cog in the Machine. C'est par l'artiste et créateur du jeu vidéo, Kyle Gabler. On fait une courte pause, puis on revient. Voici des témoignages de gagnants du Club des 144 de 2008. Alors, Richard, qu'avez-vous fait avec votre crédit voyage d'une valeur de 1 500 $ à l'agence de voyage Solange-Goulet? J'ai enfin pu découvrir le secret d'une bonne bière noire maltée à l'usine de Guinness à Dublin. Ah. Et vous, Nathalie? Je suis partie 2 semaines sur les longues plages chaudes et blanches de Cayo Coco. En plus, c'était en février. On était assez bien. Juste d'en parler, ça me donne le goût d'y retourner. Et vous, Caroline? J'ai fait tout le sud de la France. J'ai commencé par Bordeaux, ensuite Carcassonne, ensuite je suis allée à Nîmes, j'ai visité les arènes. Il y avait des gladiateurs. Après, à Avignon, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Le Club des 144. 144 $ le billet, seulement 325 billets d'île. 640-2575. Après, j'étais à Marseille, puis à Nice, puis... Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, ben je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, rien de plus facile, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces que vous entendez. On va poursuivre avec un artiste qui est sur l'étiquette Console, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. L'artiste est lui-même allemand. Il s'agit de Audio Fetish. Je vous fais passer sa pièce Sound Must Be Free. Puis ça va être suivi par une artiste qui s'appelle Paulice, P-A-U-L-I-C-E. Donc, c'est une artiste qui nous vient de l'Argentine. C'est sur l'étiquette allemande Tone Culture Berlin, une excellente étiquette. Donc, c'est aussi Madame Police, c'est aussi la cofondatrice du net label Miniatura Records, une autre excellente étiquette. Donc, je vais vous faire passer sa pièce Southern Cowboy. Pour tout de suite, Audio Fetish avec Sound Must Be Free. Thank you.

C'était Police, une artiste qui nous vient de l'Argentine. Sa pièce s'appelle Southern Cowboy. C'était précédé par Audio Fetish, un artiste allemand qui nous présentait sa pièce Sound Must Be Free. C'était sur l'étiquette Console. Puis avant ça, Police, c'était sur l'étiquette Tone Culture Berlin. Pour la suite de l'émission, je vais vous proposer quelque chose d'assez étrange. C'est de la musique breakcore, mais baroque. Je ne savais pas qu'on pouvait mélanger ces deux genres-là complètement différents ensemble, mais vous allez voir, ça donne un résultat quand même assez pété. C'est sur l'étiquette allemande Weird and Wired, une étiquette vraiment intéressante qui se spécialise dans la musique étrange. Donc, je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Ils ont une page vraiment intéressante. Donc, on va débuter par Mr. Kind Hoover. C'est un Français. Je vous fais passer sa pièce Aspiration, puis il y a sa pièce Dance tout de suite après. Ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Kind Hoover Classic No. 1. Donc, je vous recommande d'aller voir sa page à Mr. Kind Hoover. C'est une page qui n'est pas vraiment faite pour les épileptiques. Ça flash de tous les sens. Donc, c'est quelque chose à voir. Puis ensuite de ça, on va écouter le Montréalais Helicobacter. Je vous fais entendre sa pièce Held. J'ai mis aussi une vidéo de cette pièce-là sur le site de l'émission. Donc, je vous invite à venir voir ça. Pour tout de suite, Mr. Kind Hoover avec Aspiration. Thank you. worry about your own forces. De musique breakcore à tendance baroque. Donc, c'est pas souvent qu'on entend ça. C'était sur l'étiquette Weird and Wired. L'artiste s'appelle Helicobacter, un artiste de Montréal. C'était sa pièce Held. Avant ça, on entendait deux pièces de l'artiste Mr. Kind Over. C'est un français. On entendait Dance et c'était précédé par Aspiration. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Kind Over Classic No. 1. Je vous rappelle de visiter la page de l'artiste qui est assez funky, merci. Ça va être tout pour Web Music. Je vais vous faire passer encore une autre pièce avant de terminer l'émission. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez. Rien de plus facile, vous vous rendez sur le site de l'émission, qui est au www.webmusic.org et vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. La plupart du contenu, ben, c'est des pièces qui sont disponibles gratuitement. Donc, pour terminer l'émission, on va entendre Org. C'est un Allemand qui vient de Berlin. Je vous fais entendre sa pièce Talking Silence. Pour ma part, ben, ça va être tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. D'ici là, ben, je vous souhaite de la bonne musique gratuite. Bonne nuit. Now, here comes the music.